Y'en a qui tirent, y'en a qui frient, mais bon qui font de la paix. Y'en a qui brisent, y'en a qui achètent, y'en a qui font de la chaîne. Par cul, y'en a qui chient, et y'en a qui se la prennent dans l'arrêt. Y'a ceux qui donnent les coups, et ceux qui finissent en appel. Y'en a qui se préservent, et celles qui se font à l'hôtel. Y'en a des LL, mais qui finiront dans l'hlam à long terme. Y'en a des musclors qui se pissent dessus devant des mecs. Y'a ceux qui reçoivent du chiffre, et ceux qui reçoivent des lettres. Y'a ceux qui parlent, y'a ceux qui s'agitent, y'a ceux qui crient, y'a ceux qui. Y'en a qui se prennent des carottes, y'a ceux qui mettent des bananes. Y'a ceux qui croient qu'on la drogue, y'a ceux qui font la salade. Y'en a qui s'entraident, y'en a qui crachent jusqu'à un radis. Y'en a pour l'enfer, y'en aura pas, BZF pour le paradis. Y'en a qui sont des rappeurs, et y'en a qui le sont pas. Y'en a qui sont comme moi, des mecs de la rue qui enculent le rap et son âme. Y'en a qui sont dans les pailles, qui ont pas besoin d'en parler, qui font tout pour aller craquer. Y'en a qui parlent sur moi, il faut que je les hais. Les médisants, laisse-les parler, ces fils de. Y'en a qui veulent la vie de rêve au quartier, parce que l'argent oblige, assis sur bois et vert comme y'en a, y'en a. Y'en a trop, voilà, négro, y'en a trop. Y'en a. Beaucoup des flippettes comme toi, autant t'y crois, moi y'en a pas deux comme moi. Je rappe avec la mif, le rap c'est à moi. Injection sonore, voilà le rap des frères, c'est à moi. Je suis au P, j'ai toujours sur moi une paire de gants. La maison est grande ouverte, j'hésite pas à rentrer dedans. Si tu papes, j'hésiterai pas à te rentrer dedans. Prépare-toi, perds ta langue et puis t'es 32 dans. Y'en a qui se battent pour manger, qu'on peur du danger. Ne trouve rien d'autre à faire à part attendre et manger. Pas du genre à se mélanger, le bien, le mal, faut trancher. Y'a des fous, y'a des bâches qui hésiteraient pas à se venger. Décidé à pas se ranger, on est venu pour déranger. Une feuille blanche, un stylo big et je décale toutes mes pensées. Habitué au danger, on est en France pour manger. Demain c'est la fête des porcs, faut tous les égorger. Y'en a qui sont dans les pailles, qui ont pas besoin d'en parler, qui font tout pour aller craquer. Y'en a qui parlent sur moi, il faut que je les hais. Les médisants, laisse-les parler, ces fils de. Y'en a qui veulent la vie de rêve au quartier, parce que l'argent oblige, assis sur bois et vert comme j'étais. Y'en a y'en a trop, voilà négro, y'en a trop. Y'en a, MC ont succombé. Y'en a qui pensent qu'on est trop fort et que ton flow est nul à chier. Y'en a qui veulent accord parfait pendant que deux sont bousillés. Y'en a qui veulent des gros camons alors qu'ils sont toujours à pied. Y'en a qui pensent qu'on est hardcore et qu'on ne reculera jamais. Y'en a qui veulent croquer le monde alors qu'ils sont pas respectés. Y'en a qui friment, y'en a qui pédavent, qui crapotent. Vrai sont ceux qui savent comment couper une save qui reste brave. C'est parce que y'en a qui partent toujours et qui en font le moins. Dès que ça part en couille, ils ont tout le temps le cul coffré dans le coin. Oui, y'en a qui galèrent dans les halls et certains en tôle. Dédicace à MC anonyme, ma deuxième épaule. Y'en a qui gardent la bouche cochée aux interrogatoires, contrairement à d'autres qui parlent pour un café noir. Donc à tous ces fils de pute, tous les chemins se croiseront, parce que l'on efface jamais tout ce qu'on balance à l'audition. Y'en a qui sont dans les pailles, qui ont pas besoin d'en parler, qui font tout pour aller craquer. Y'en a qui parlent sur moi, il faut que je les hais. Les médisants, laisse-les parler, ces fils de. Y'en a qui veulent la vie de rêve au quartier, parce que l'argent oblige, assis sur bois. Y'en a trop, voilà négro, y'en a trop. Y'en a à des mots sont des halls, Spike la pioche, il y a Nas. Nas tient la mode.